Le corps de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine, conduite par son vice-président Cha Sang-bon, la délégation de l'Association des entrepreneurs coréens en Chine, conduite par son président Pyo Song-yong, et la délégation de l'Association d'échanges économiques et culturels des Coréens à Dandong de Chine, conduite par son président Kim Tae-ryong, sont arrivés le 14 à Pyongyang à l'occasion de la journée de la brillante étoile.